Genetics. De nou obrim les portes d'aquest programa. Salutacions de Rafael Corbí. Un plaer, com sempre, estar al vostre costat. Gairebé 60 minuts dedicats al bo i millor del jazz amb moltes generacions i estils diversos que ens començaran a acompanyar, com amb aquest tema de Harry Arnold and his Swedish Radio Studio Orchestra. Des del 1959, Meet Benny Bailey. Vi har lyssnat till Harry Arnold Jazz Show med Monica Zetterlund, Chris Stein och radiobandet. Gäster var idag Alice Babs, Parisorkestern 1949 och Nils Hellström. Producent var Olle Hellander och det var också han som presenterade. Thank you. Aquesta era la música de Harry Arnold obrint el nostre programa amb His Swedish Radio Studio Orchestra i aquest àlbum que es va publicar al costat de Alice Babs, Monica Zederlund i Benny Bailey el 1959. Avui ha servit per obrir el nostre programa. Després de l'aventura musical de Harry Arnold passarem a escoltar a Selena Evangeline amb Bill King. Ens portaran dues peces des del 2014 a càrrec de l'àlbum Left Alone. La primera, Exhale, Shop Shop, i la segona, Rapture. Say yeah. love. Hem escoltat la música que ens portava a Selena Evangeline i al seu costat a Bill King amb el Left Alone, el seu home de 2014. Els propis minuts a Jazznàtics els convertirem en Winston Marsalis. Des de l'Standard Time del 1986, el trompetista, compositor i arrangista de Nova Orleans ens portarà, per exemple, el tema In the Afterglow. Thank you. El gran Winston Marsalis n'ha estat el protagonista d'aquestes dues peces, In the Afterglow i Soon I Will Know. Qui serà el proper? Doncs tornem amb bona música i en rimes cap a la Diane Shore. Ella ens aportarà a través del Pure Shore, un àlbum que es va publicar l'any 1991, la peça anomenada Nobody Does Me. Took me some time to recognize the feeling, but I know tonight I don't need no clues, 'cause you're on my mind from morning through till evening. Nobody does me like you do. That never came to nothing. Tried being free, but the nights were so blue. It's easy to see that I'm lost without your loving. Nobody does me like you do. Just a rockin' and a reelin'. difference a day made. 24 little hours bought the sun and the flowers. Where there used to be rain, my yesterday was blue dear. Today a day made, and the difference is you. Ian Shure amb aquests dos temes, tots dos extrets d'aquest Pure Shure àlbum del 1993, i que acabem d'escoltar-los a través de la freqüència del nostre espai, la cantant de Tacoma, de Washington, cantant i pianista de jazz nascuda el 1953. D'aquesta música passarem al Quebec, a França, a Quebec, amb música francesa, al Quebec, al Canadà, per escoltar la música d'una cantant de jazz que canta en francès, la Thérèse Montcalm, que ja us havíem presentat també amb un programa. En aquest cas, escoltarem des del 2002 un parell de peces del seu àlbum Thérèse Montcalm, anomenat com ella, Tu ignores i tu que sa me égal. Tu ignores totalement mon existence seule, comme un trésor dans les ténèbres inconnues que l'on rêve. En silence, pour ne pas être déçu, le désir secret de t'aimer. Et ma réalité profonde, en sachant mes terreurs, je t'observe dans l'ombre, caché dans les replis obscurs de mes pensées. Quand le monde est visible en attendant, inventer les dessous d'une intrigue, c'est excitant, oui. Mais qu'arrive-t-il quand de jour en jour l'espoir de te voir devient cauchemar? Réalité viscérale, réveil brutal. Tu ignores totalement mon existence. Où que j'aille, quoi que je dise, dans tout ce que je fais, il y a une pensée pour toi qui m'influence et me suit pas à pas. Est-ce que tu m'entends si je communique par l'âme au soleil levant? Quand les rayons te proclament, est-ce que tu m'entends? Si je t'appelle au secours, je t'en prie, réponds à mon amour. Sous d'une intrigue, c'est excitant, oui. Mais qu'arrive-t-il quand de jour en jour l'espoir de te voir devient un cauchemar? Réalité viscérale, réveil brutal. Est-ce que tu m'entends? Au soleil levant. L'espoir de te voir devient un cauchemar. Réalité viscérale, réveil brutal. Quand le monde est visible en attendant, inventer les dessous d'une intrigue, c'est excitant, oui. Qu'arrive-t-il quand de jour en jour l'espoir de te voir devient un cauchemar? Réalité viscérale, réveil brutal. Sous-titrage Société Radio-Canada. Mes idées sont honteux, ignorant les bonnes manières. Qui peut tout vous dire, arrive tout faire. Tout ça m'est égal. Les militaires payera des ordres et nourrir leurs idées de guerre. Tout ça m'est égal. La dictature, l'abus de pouvoir pour se couvrir de gloire. Si tu manques à l'honneur, tombe une pluie de préjugés. Inondés par les rumeurs, se cache la vérité. Je me lave et me rire. J'étale mes idées sans honte, ignorant les bonnes manières. Qui peut tout dire? Juste ou bien fondé, oui, c'est facile de condamner. Tout ça m'est égal. Les hypocrites, tantôt des flatteries, plus tard des trahisons. Quand tu restes fermé, même devant la mort, torture de l'absence, je m'en lave et me dis. J'étale mes idées sans honte, ignorant les bonnes manières. Qui peut tout dire, arrive à tout faire. Una sèrie de programes també jazznàtics en varen gaudir de la música que ens portaven des del Traditional Party. El Boi millor ens comentaven de també una certa música més alegre, més divertida, molt interessant, que ens portaven des del Regne Unit. The Ultimate British Traditional Jazz Collection. De tant en tant anem escoltant algun dels temes que en formaven part. Avui és el torn de Mick Mulligans i la Magnolia Jazz Band. Des d'aquest Traditional Party ens oferiran el Moose Rock Rumble i el Sweet Lorraine. found joy. I'm as happy as a baby boy playing with a brand new choo-choo toy. Now I've met my sweet Lorraine. She's got eyes, they're much bluer than the summer skies. If you saw them, you'd realize why I love my sweet Lorraine. When it's raining, I don't miss the sun, 'cause it's in my honey smile. Just to think that I'm the lucky one who will lead her down the aisle. Each night I pray that no one will steal her heart away. How I'm longing for that happy day when I marry sweet Lorraine. Just to think that I'm the lucky one who will lead her down the aisle. Oh yes, well each night I pray that no one will steal her heart away. How I'm longing for that happy day when I marry sweet Lorraine. Thank you. final del nostre espai, que avui ha comptat amb la presència de Harry Arnold, de Selena Evangelina Milklein, amb Winston Marsalis, Diane Shore, Tedeth McCallum i Mick Mulligan. I ara, per acabar, aquesta peça que esteu escoltant des de l'Out Here, del 2013, el disc del trio de Christian McBride. Es diu East of the Sun and West of the Moon. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, un programa variat que avui ens ha acompanyat a Jazznàtics amb Rafael Corbí. Fins la propera. Thank you.